la basse résonne sans cesse, alors on danse comme Stromae. Nous rap est en détresse, et moi franchement ça me fait trop mal. Brise le best que je déteste, nous au mic, la rime à caisse me fait comprendre que je peux rapper. Même si j'ai pas d'une de vos tests, ça fait longtemps que je lâche tout. Pas pour les mecs qui se rassent tout, mais pour les mecs d'une autre époque, génération à fou. C'est pour les mecs sur le terrain qui souhaitent se faire des tacs. Bah ouais, pour vous public, Rudy assure le spectacle. Yo la basse résonne sans cesse, alors on danse comme Stromae. Le rap est en détresse, et moi franchement ça me fait trop mal. C'est pour ceux qui pensent que le mic, jeu de m'animal. Ou pour ceux qui pensent avoir l'instinct d'un animal. C'est pour ceux qui demandent des sous mais qui jamais les restituent. Ou pour ceux qui aiment que le meilleur et qui s'en foutent du reste qui pue. Yo, la mort dans la peau depuis que j'ai plus que ça sur les os. L'amour fait maigrir, ça me fait écrire la triste raison. Le cœur brisé, je vais pas te surprendre comme ton angle mort. Au féminin, y'a qu'un truc fiable, c'est les allemandes. À la dérive, mais vas-y, donne-moi beaucoup de flou. Ce que se transforme de moche déprime en un tas de beaucoup de blues. Yo, j'abuse un peu, mais bon, t'as vu, c'est ça qui fait que ça va. 23 années que je suis malade, mat comme Serge Lama. Les dents jaunies à bout de souffle, j'ai que la corde me tue. Mon sort se trompe de meuf, envoie je t'aime à sa pote de cul. Ton taf précaire, but c'est juste une paye grave meilleure. Certains partent en couilles, descendent la blanche comme Herman Meyer. 0,5 morts, 11 enterrés, là j'ai plus rien à perdre. Tu veux me péter, moi je suis tout queuse, frappe un dans ma terre. Tout part en couille et même le reste espère. De toute façon, ça faisait longtemps, mais je me voile plus la face pendant que le reste espère. La vie me tue, mais j'ai passé un pacte avec. J'ai l'habitude des bâtards viennent entre la poisse et la galère. Les joints s'allument et les beaux causent vie. Les meufs cocus, à force de croire en de beaux gosses ivres. Ça parle de religion, de guerre et de croisade. L'approche de l'élection est recouverte de gants sales. Mais on se laisse faire, l'appel est illimité. Le liquide et les verres, les larmes qui ont coulé. Faut que je me casse, mais pas comme l'oncle Tom. Faut que je me casse, mais j'ai encore la forme. Je me shoot au jeu de mots, donc pas de Montédéro. L'ascenseur social s'est arrêté au Monténégro. Je fais semblant de partir seulement. Faut que je me casse avec un parterre sanglant. Je suis comme les autres, je suis un touriste dans le zoo. Un simpliste dans le son pour un sale misanthrope. Je crois plus en l'avenir, donc je compte les heures à tirer pour s'en sortir. J'ai compris que l'homme attirait les voix de droite, même le plus extrême. J'écoute ce qui frappe dans tous leurs extraits.